sûr de Silo Hind à Brezonek. C'est l'heure de retrouver Hind à Brezonek. Bonjour, bonjour, vous êtes bien sur RKB pour Hentar Brezonek. Comme d'habitude, on commence par Gariou Arvué. Aujourd'hui, c'est l'émission 377. Trihanseit Gatryugen. Henri est plus informé que moi. Trihanseit Gatryugen. Alors, quel mot on voit aujourd'hui, Henri? Alors, aujourd'hui, on va voir un mot qui est très riche, hein, c'est mœurs. Mœurs, c'est à la fois, donc, au départ, ben, c'était le dieu de la guerre, hein, chez les Romains. Et puis, la planète Mars. Et puis, c'est le mardi et c'est aussi le mois de mars. Alors, c'est un mot qu'on va trouver sous la même forme, hein, pratiquement la même forme, en gallois et en cornique. Dans tous les cas, ça vient du latin martis. Donc, on en parlera peut-être tout à l'heure. Donc, le dieu de la guerre, hein, donc Mars, hein, qui avait un autre nom avant, hein, ma mère, enfin, il y a eu plusieurs formes. Et donc, qui était le dieu de la guerre, donc le fils de Jupiter et de Junon dans la mythologie, hein, qui est l'équivalent du dieu Arès chez les Grecs, donc qui était lui le fils, c'était pareil, de Zeus et d'Héra. Donc ça a donné tous ces mots, en fait, d'abord, si l'on peut dire, le mois. On va parler du mois plus tard. Donc on va parler du jour d'abord, hein, mœurs, le mardi. Dit mœurs, oui. Alors, en breton, oui, justement, dit, hein, ça vient... du latin dies, hein, qui veut dire jour. Donc, on met quand on dit le mardi, hein, quand on dit mardi, hein, c'est dimers, hein, comme en occitan. Hein, dans la langue d'oc, c'est pareil, on met le dit d'abord. Hein, alors qu'en français, par exemple, on met à la fin. Et en anglais aussi, hein, Monday, c'est day, hein, à la fin du mot. Voilà. Donc en breton, c'est mis d'abord. Par exemple, on va dire ben dimers. C'est mardi prochain, ben dimers, hein. D'ici mardi, quoi. Ici, on prononce un peu plus court, on dit benemers, hein. Mais c'est ben dimers, hein. Voilà, benemers. Alors autrement, ben si on dit le mardi en général, on va dire dermers, hein. Dermers, ou alors bemers, hein, pour dire chaque mardi. Chaque mardi, hein, voilà. Par exemple, si on dit de mœurs vers Mahadba Rostren, donc voilà, le mardi, il y a, alors il est en fait, c'est une forme d'habitude, hein, il est le marché de Rostrenin. Bon, dit l'une, dit mœurs, dit mèreur, hein, c'est bien connu, il y a beaucoup de chansons enfantines qui commencent comme ça. Alors si on dit par exemple mardi prochain, on peut préciser dimers de zone, hein, ou alors ça veut dire mardi qui vient. Quoi. Mardi qui vient. Hein. Si c'était mardi dernier, dimers traminet, hein, voilà. Alors donc dermers, hein, je l'ai dit le mardi. Hein, donc je donnais comme exemple le marché de Rostrenin qui, de mémoire d'homme, est toujours le mardi. Il y avait même aussi une expression, hein, qui est Brezonegger mœurs, parce que le mardi, on disait que les commerçants de Rostrenin ne parlaient breton que le mardi. Donc, et donc l'expression Brezonegger mœurs, quoi. Pourquoi? Parce que c'était les gens de la campagne qui venaient au bourg. Parce que les gens de la campagne venaient à Rostrenin pour le mardi, donc pour faire des affaires avec eux, fallait bien leur parler le mardi, quoi. Voilà, puisque Rostrenin était une ville où on parle français depuis très longtemps, hein. Même si les gens parlaient quand même, connaissaient quand même le breton. Alors il y a beaucoup de choses, hein, sur le mardi, par exemple Meurselard, hein, le mardi gras, en fait, qu'on dit Meurlarge et aussi, hein. Ici, on prononce Malarge, hein, d'ailleurs. Qui a un nom de famille aussi. Qui est un nom de famille aussi, ouais, effectivement. C'est le Mardi Gras, c'est le dernier jour du carnaval, qui était donc au Moyen-Âge, la période de réjouissance qui va de l'Épiphanie jusqu'au Carême. Hein. Donc, le dernier jour du Carême, et le lendemain, donc, c'est le mercredi des cendres. D'accord. Il y a aussi, on disait aussi, Malarge et Bien pour la mi-Carême aussi. Un moment de repos dans le carême, en fait, hein, où on peut faire encore quelques réjouissances. Voilà, parce que les gens aimaient bien faire des réjouissances. Alors, il y a même un verbe, hein, « melargeaisan » ou « melargeant », qui est donc faire le mardi gras, faire la fête du mardi gras, en fait. Hein. Alors, il y a aussi un mot qui désigne le contenu, la durée du mardi, « mœurs vos ». Par exemple, on pourrait dire « tramenran me mœurs vesiu », Barostren, je passe, mais mardi, c'est-à-dire la durée, l'intérieur, ça n'existe pas en français, hein. Ce serait la mardinée, si on peut dire, hein. Ça n'existe pas, mais la durée du mardi. Alors, le second sens, hein, c'est le mois de mars, hein. D'ailleurs, il y a des proverbes, hein, qui disent que quand mars commence le mardi, hein, on meurs et meurs, il va se passer des choses. Alors les uns sont optimistes, les autres, c'est un peu comme toutes les superstitions. Voilà. J'ai lu un article de Daniel Giraudon l'autre jour, justement, il parlait de ça, hein, des dictons par rapport justement au mardi au mois de mars qui commence un mardi. Alors le mois de mars est un mois important, hein, puisque c'est le mois du renouveau, en fait, hein. Le mois du printemps. Le mois du printemps, hein, donc 20-21 mars, hein. C'était le premier mois de l'année romaine. Enfin, de l'année romaine corrigée, parce que la première année, au début, le calendrier, l'année romaine de Romulus n'avait que 10 mois. Donc ça commençait effectivement au mois de mars, mais il y avait que 10 mois de 30 jours. Donc, il a fallu par la suite rallonger. Au 7e siècle avant Jésus-Christ, on a rallongé pour tomber à peu près sur l'année solaire. L'année solaire, elle dure 365 jours, 5 heures, 48 minutes et quelques secondes. C'est pour ça que j'ai vu sur le calendrier des PTT que le printemps était à 11h01. Ah oui, c'est ça, oui. Alors les astronomes dans l'Antiquité ont eu du mal, mais en tâtonnant, ils sont arrivés à... D'ailleurs, c'est vraiment extraordinaire, parce qu'ils sont arrivés à calculer la durée exacte de l'année. Alors, il fallait bricoler pas mal, parce que comme on tombe pas juste, hein, par exemple, le calendrier julien, donc celui qui a été adopté à l'époque de Jules César, c'était 365 jours un quart. Il y avait un décalage de 11 minutes par rapport à l'année solaire. Il y avait un décalage de 11 minutes, mais au bout des siècles, ça finit par faire beaucoup, si bien qu'en 1582, le pape Grégoire XIII a été obligé de faire, enfin, fait une réforme, hein, et cette année-là, donc, on est passé directement du 4 octobre au 15 octobre. On a supprimé 10 jours parce que il y avait un décalage de 10 jours. Après, c'est assez compliqué parce que, déjà, sous le calendrier julien, on avait rajouté des années bissextiles, tous les 3 ans d'abord, et puis après, tous les 4 ans. Mais en rajoutant des années bissextiles, ça faisait trop. Alors, de temps en temps, il faut en supprimer. Enfin, c'est assez compliqué quand même pour arriver, évidemment, à un chiffre aussi bizarre que 365, 5 heures et 48 minutes. Donc, ça a pris des siècles avant d'être calé, quoi. Ça a pris des siècles avant d'être calé. Mais ils connaissaient déjà, hein, dans l'Antiquité, ils connaissaient déjà la durée avec une grande précision, finalement, quoi. C'est quand même des astronomes. Les Égyptiens, par exemple, avaient déjà calculé, hein. Les Égyptiens rajoutaient des jours, hein, pour retomber sur leurs pieds, quoi. Ce qu'on fait après, d'ailleurs, pour le calendrier révolutionnaire, hein, de 1792, c'était comme ça aussi, hein. On rajoutait des jours, les sans-culottades, hein, pour retomber, hein, pour retomber pile. Et donc, ils avaient daté le calendrier révolutionnaire, ils avaient daté le début au 22 septembre 1792, qui était la proclamation de la République, et qui était le premier jour du mois de Vendémiaire. Donc, c'était déjà plus facile pour eux, puisqu'ils avaient déjà des calculs qui avaient été faits par ailleurs, quoi. Mais ce qui n'a pas empêché que le calendrier révolutionnaire n'a duré que 14 ans. À part chez quelques individus un peu excentriques qui ont continué à l'utiliser. Il y en avait un peu mride comme ça, autrefois. Un forgeron qu'on surnommait Thermidor et qui continuait bien après à utiliser le calendrier révolutionnaire. Alors souvent, il y a beaucoup de proverbes sur le mois de mars, hein. Souvent, on insiste sur le vent très séchant, desséchant. Et, hein, c'est aussi le mois des giboulées, hein. Théophile Gautier disait Mars qui rit malgré les averses, hein. C'est le mois des giboulées, on appelle ça en breton morzoliou, les marteaux de Mars, morzoliou mis Mars, quoi. Et on dit que ils font autant de dégâts que l'encou, mais enfin bon, c'est peut-être un peu exagéré quand même. Mais morzoliou mis Mars, hein, c'était bien connu. Alors on parle souvent donc du vent séchant, Havelskar in mis Mars, hein. Tout le monde a entendu ça dans le coin ici, hein. Avec Skarin, ça veut dire qui qui burine, hein, qui tranche. Hein. Voilà. C'est du vent d'est. Oui, c'est du vent d'est ou du nord, mais de toute façon, du vent très desséchant, quoi. Alors, on le voit ces jours-ci, hein, cette année. Mm-hmm. C'est tout à fait typique, quoi. Il y a aussi un autre proverbe qui dit « Mis meurs en orhuesaden, zir ervon spendaben ». C'est-à-dire, le mois de mars, d'un souffle, assèche le fossé complètement. Donc, ce mois, c'est aussi c'est le mois de l'allongement des jours, hein, vraiment, on sent. Il y avait, ma grand-mère disait toujours, de mis meurs ben kuchol kwan warendol. Donc, au mois de mars, pour le coucher du soleil, le dîner sur la table. Donc, ça tombe à peu près vers 7h, 7h un quart, le coucher du soleil, quoi. Le soir, 19h, comme on dit maintenant. C'est aussi, donc j'ai dit que c'était celui du printemps. Alors si, dans le calendrier révolutionnaire, il correspond à Ventose. Hein, Ventose, c'est du 21 février au 21 mars. Et à Germinal. Hein, Germinal, donc du 21 mars au 21 avril. Le calendrier révolutionnaire correspond à peu près au signe du zodiaque aussi. Donc le signe des poissons et puis le bélier après. Alors Maut, hein. Le bélier, il paraît que les gens du bélier sont têtus, hein, je ne sais pas. Alors c'était aussi, donc bon, il y a un proverbe aussi, oui parce que c'est une période aussi qui, j'ai parlé du carême tout à l'heure, alors évidemment la date de Pâques variant, le carême varie aussi, mais il y a un proverbe qui dit « arriver comme Mars en carême », hein. C'est-à-dire arriver à point nommé. Oui, je disais, c'est aussi le dieu de la guerre, et puis c'est aussi la planète Mars, hein, la planète Mars qui est la quatrième à partir du Soleil, hein, donc puisqu'il y a Mercure, Vénus, la Terre et puis Mars. Alors ça nous a fait beaucoup rêver, enfin pas toi, mais tu es trop jeune, mais quand j'étais gamin, puisqu'on parlait des Martiens, mm-hmm. hein, on supposait que la planète Mars était habitée par des petits bonshommes verts là. Hein. Mais enfin bon, les Martiens sont toujours dans notre imaginaire, même si on sait aujourd'hui qu'il n'y en a plus, qu'il n'y en a plus ou qu'il n'y en a jamais eu. On saura bien ça bientôt avec le robot qui. Oui, voilà, on est en train de chercher pour savoir s'il y a eu un jour de la vie sur Mars, quoi. Bon, ben voilà, on a fait un petit tour. Alors on était un peu long, alors donc là on va passer directement à Petrazone Vervro, parce que on aurait du mal à caser un dialogue là-dedans et notre technicien Bruno s'arracherait les cheveux. Donc on va passer directement à Petrazone Vervro. Merci Henri. Troisième partie d'émission, Petrazone Vervro, Eri. Ah, calze drau e vel just de zone Vervro, wer vej di ouz an krogom de diantan vel custum, gant la bourdour hag vu e war ar mez. Kasi tremenet e bremañ mis houere, a mont de ram, war zu en eve amzer, hag déjà ve gweled bleniou baliorz ou ur vro, bleniou abre e devel just. Hag hired rande, hired ende a bon a zezo plijus, hag un amzor zo dei zeror a zo bra, hag setu bon prestige, prestige vo di zo, di rande gant chasse, gant mare chasse a vo point de besketerien, monteval e hed a hed gant ur gwaj ou ur vro. Hag ma trezen vo pesket blanc me war anget. Setu bon aion ba namzer ba fin gwan kalet benefin. Ma trezen vo tambos korn oaz, me ne beloar. Apre si vo gwelet adari en traktorio o labourat ba vro an me oa ba parkeia. Hag bon setu aze ur bla o hat krogi war dach ne labour douar. Ba mis tien ver moi comme moi d'ar vegel de vota de vid comme chouel or bourdouar a ge tramene de vota de gouz a ge benefin de ce que bit calze suspense vel velar de galag modé puis dur m'en aide de mou de roi grande fédération a ge borz ou aide grande honf benefin bon c'est tu tramene de vota de gouz Pewan yaou an bon men vi komz eus an drael, de liam me gant ala bord douar, pewan yaou an gavi je kand de war an ton polka, oh, graet ver oaz, hein, war an ton polka, o ni je ne ke do nazen, o nazen ne ke do jo, ah, ya, bop sotro vi je la ko aler, mais de guir e bremañ gant un progrè vel velar, bromel zo moyen d'or o ni je ne gant o jo, plus dur gwell a red zo bet ar zo bet kalz heureuse gant se, plus dur vijeget kid jizhen gant tiezek deus bro Roumanie, hag brom eve moyen, bon, plus dur belefin peve mal de hit, ave laket pe pa holen a tam ketchup a mat, avec moyen de hout pe salon ve et bars. J'y ou à Jean, j'ai le rendre de ce que de l'onde d'elle bars, mais moyen de fait vide. Si vous guardez, en fait, je peux n'être ma treizaine. Me sera bon, farce à le rendre grand-zé, mais n'est qu'une drap farce jusqu'à, bon, une dute zo elle sève l'onde de Bavro, en me sbire, honnid aux embuées, hag ve gwelle de Pessamode ve casse qui dort trop bro Europa, béage y de très orbite, un bénéfine, avec guar pete ve ba plad en dut quoi benefin bon disement mon compte a gwel le meus was on drael was roman mustachen presti de vos tud de pesque de vezav de zivi et qui de long de was un bet zio a bet divenet mais de ce musclet presti de vos hat Rado Borzé, on drague, ils ont une de nature bénéfique. Bon, mais Gualaré de Pivé, errant de raster là, d'avec guette de Burp sur trop, une de nature. A Gouscou de Vécombe de Derma, de Zen Dior en Pardus, mais bon, n'est que Zur me mestra, Hawa, un trop ou un tumote. Justement, puis on compte de Straudis, Paul Givridig, produit en Bretagne. Zo bekrou de Hugen Lasso, oa juzma, mon noir zu, produ de Gret Tostor de Zendut, hag gant vijen begwerz de juzma de Tudovro de Diantan, hag pas rebel, a pas or tro bro Europa, vel ve gwell un trop. A de Huls zi Hugen Lasso, juzma de Vigelar, ad om, et dalke bon d'or trop dis, putur bremañ n'eus ket met ur marc'had war e be, n'a tout gant tro ve kaset e bel, hag oa ket eus e hiz ma peswant d'abord ur gevredig eus vel produit en Bretagne. Hag eus koude bremañ, de houl se oa daouz ek stal, a bremañ zo tri han stal, hag bon zezo drava, da vi de l'ar de splerta un tro ve kinig an un dud de brenañ. Bon, sais-tu, Vilchon me donne tant me voir, mameus tachen, ne la rin que calze dra de zeur politiker, zeur végement, plus dur, bon, ne ce que de chouloir et entre, bon, on tombe reux, au bide, quand, quand on a eu vite d'un dude assez, mais vraiment être un menette à chôme, j'onge le rang de chôme. Choule un trou vraiment, pas quoi le bel, puis tu m'en faut à dégoût, ton, ben au blanc, me vide par rouge. Ag vote à dégoût vie de Parouge ou Vélanda, ag Zuroir, déjà, me zguel de Blas ou mon crog un trog de vire vient tomb. Ag Kals, bon, mer ou l'ar, mon hond ou Adar et Dern l'ar, mon hond de Zilus que nos har, bon guel a rin. Jusement, pévé comme ze de Zilus que ne har, guel a soubé de ur pop, pop béné ad hoise gazé, ne zlus que di garg. Ag vie de Christeyen et vide juste, ils ont droit à brise, puis dur, précis vos rat d'Ilen et d'or pas belle, ag volard, droit, abemous papam, hein, bon, puis dur vis, dis ce velard, pv, au pape neve bénéfine. Bon, on me donne vraiment ma peçoin, noir d'acheneur zévenadur, puis dur, war velmeus lard, war en économie, donc de l'art calze drame. Warzé. Bon, vite comme de Zévenadur, justement, promette au Abid quand François Hollande, puis au Cambali, vite j'ai bézine, et carta, et Jésus, Guasket, carta, zezo, vite tout de Jésus, bien, velvelaret, n'est que bien leur vie de réel, mais n'est que de, tienne inor, ma personne. Avis j'ai bézine, c'est. Ah, c'est-tu, bon, à raison, au neub de député, de zo labour à Loirzé, à genomis que zo, Paul Molac, hein, zo breton, au Braisan, ma personne, hein. Ah, bon, mais Georges Alrogne, vos stères d'un troc, hein, peut dire, vos raids, or, vite c'est, vos raids changent leur constitution, puis, les un, stur, ma personne, des républiques. Ag bon gwelet vo pe sa mod vo kon. Kom se zo be kalz deus ober o chad en tele, ba vro, o chad en tele avef ebe, don tamm vel via Stella, ba bro Corsica, hag FR3 zo war rank vid ober ze. Ma ranket hagin oez ete or ze, pu dur deja n'un biroar ober o neur zun, on aborde un zul, pas libre, zare, biblichtin zé là, n'aborde un zul, mais Alice, de soir, se pévé, au match, penec, et pé, tant tu dois, ré, de voir un air, pé, vé, nul de n'aborde un zé, tu vois, en que d'agé, une place, ou alvor, d'oberzé. Bon, guiré, non, tu, d'oberzé, hein, abadé nos bras, vé, ré, de grande, mais, n'in que, quoi, le dieu, bénéfine, hein, plusieurs autudes, juste des, bon, guelvo, pesamo, do con. Bon, vejelam, zor gontandar, de zor gela ou anya. Er gela ou anya, ve imbon de bibzun, hag zo plus justré de len, hag niver an per han zo be de un mez, neus ke gwal belzo. Bramon, man ya doa tramne de niver an per han. Mais de bon, c'est souvent de l'art, hein, zobit tenne déjà, per han niveren. Hag, et bras de laine, hein, hag, disevé on t'en braison de, bebzun de chacal, vide réseau, pétrom en, tiski braison de, pétrom en tude à zo cap de laine, à de garde plus jade organisé. Lance wabé d'Eis Lasso, hein, alors, Gelaonia, ou bien lance des Islasso, juste, bah, même smart, et mais, vel, hendor, raison, hein. Mais, même, on tombe dans les mémoires, les plusieurs fois, même, Béhalskin, y'a d'abadé, nous. C'est une homme que d'aïros, bah, perron. Bon. Évident, vichon mon temps, moi, d'ache, le zévinadur, on dîne de span, ou de, baisse qu'on a, hein. Ne scrive de lever, avec zo hanve de, l'enfance pomeritaine de Victor Colliou, ag, bon, zuroir, vos rad, ne ce que mes de graines, mais d'onneubud, mais ma treizaine, vos, imbande, d'oir, mot, les dents d'or, ou à l'air, Colliou, zo, non, là, zo, graines, grand, yo, famille, Costin, à Saliou, zo, famille, ou de ce pan, vrida, bescon. Ah, c'est-tu, bon, ma très un nouveau corps de Breno Prestig, hein. Hag un din de ce grezzi, justement, de zo, un din de ce famille costain. Bon, comme soit de zo leverel, zo bescrive de nevesso, grand poloui, végenant zo mesbecom de ce poloui, zo un din à ne zlabour cas, vidor vro zo hanav de ur mené, ur galo, donc braizade, mais de distingue mené, hag his ne zo labour advisé, pas appel, his ou ur bel, hag ne zbe de labour de ba vel classe cour ba linra, hag zo hanav en mal, hag ne scrive de lever, le mené, pelarin mat, territoire pionnier. Bon, Hendel, han de l'arno, or guerre d'art de zo, or film zo begren, ne vaisseau, grand Bastien Guillou, di warben notre Guillaume Caous, zo or person yowank, de zo guareg, enfin zo vraiment ba guareg, hein, de zo barouz guareg wa igarg, hag o neubet barouz outro wardro, hag de zo begren or film, grand Bastien Guillou, warnan, hag eus un film eus o bedis ket d'un dud bagoar hag an deel, eus ul dabde. A war kal eus dud, peut-il oa bec'het tram un film divej, peut-il oa l'un eus al. Hag eus film eus tram no ban tele, eus ber war nug un deus mis roer. Ma vek eus troel ka vejo ve. Me joan jal rand me meus traoù ma trez an vo moyen de vel nan. Setu meus ka de brau Kaom eus brau ur film, hein, veltout de rezo gret gant gant Bastien, evel just. Hein. Hag, bon, vo plijadur mont te velze. Enfin, gwelze ba ban tele. Bon, setu un tamp de speso neve ba vro, hag bel vegel o la, a oaz. Tien ar vegel, na. Tien ar vegel, eri.